Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le projet migratoire peut-il être souvent un projet familial? Comment la migration peut-elle devenir une étape obligée dans la vie des jeunes? Peut-on parler indifféremment des migrations internes et des migrations internationales, s'interroge le démographe sociologue François Héran. Titulaire de la chaire Migration et Société, François Héran se partage entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration, qui est porté par 8 institutions sous la conduite du CNRS. Normalien, polyglotte, agrégé de philosophie, ses premiers travaux l'ont entraîné d'un continent à l'autre avant de diriger de 1993 à 1998 la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, puis de 1999 à 2009 l'INED. Il met ce riche parcours au service d'une approche résolument interdisciplinaire des sciences sociales. Si le cadre de sa chaire propose de rétablir les ordres de grandeur du phénomène migratoire, et de replacer l'actualité dans la dynamique démographique et sociale, François Héran propose aussi dans sa série « Pourquoi migrer ?» d'analyser les facteurs déterminants de la migration. À partir du troisième cours de cette série, consacré au ressort des migrations, François Héran a introduit les travaux du grand démographe américain, spécialiste de la migration mexicaine Douglas Massé. Ce dernier se distingue par le fait qu'il a étudié le phénomène migratoire depuis le pays du départ, alors que les études portaient en général sur les pays de destination. François Héran a également présenté les travaux du comité international Massé, que présidait cet éminent sociologue démographe américain dans les années 1990. Nous nous sommes donc familiarisés cours après cours aux fameuses 6 théories de la migration pour lesquelles François Héran nous a proposé une lecture critique. Après avoir rendu compte de la théorie néoclassique, de la théorie économique de la migration, puis de celle de la segmentation du marché du travail et des théories des systèmes mondiaux, le démographe sociologue a consacré plusieurs séances à la question passionnante mais foisonnante du capital social. Aujourd'hui, nous découvrons la dernière des 6 théories. Alors, qu'est-ce que la théorie de la causalité cumulative et quels sont les phénomènes qui renforcent le processus migratoire ? Quel lien entretient-elle avec la théorie du capital social? Quels sont les biais, les problèmes de méthode quand on essaie d'analyser les ressorts de la migration? Nous gagnons le Collège de France le 14 février 2019 pour le cours de François Héran, Pourquoi migrer, opus 11. Nous arrivons à la dernière des 6 théorie de la migration inventoriée par le comité Massé. Cumulative causation, c'est une expression qui sonne étrangement, même en anglais. C'est ainsi donc qu'a été baptisée la dernière des 6 théories. Alors, Massé a toujours attribué la paternité de cette théorie à l'économiste suédois Gunnar Myrdal, très grand personnage, M-Y-R-D-A-L, Gunnar Myrdal, qui a été lauréat en 1974 du prix d'économie à la mémoire d'Alfred Nobel, en même temps que Friedrich Hayek. Il y a un cas tout à fait exceptionnel, c'est dans tout le Guinness des records, c'est que M. Myrdal et Mme Myrdal ont eu tous les deux le prix Nobel. C'est le seul exemple de couple ayant le prix Nobel avec l'écurie. Donc, il est l'auteur de plusieurs essais fameux, notamment il y a An American Dilemma, qui est un grand livre sur la question noire aux États-Unis, publié dès les années 50, qui était un livre qui a inspiré un très grand nombre de réformateurs sociaux, mais c'était aussi et surtout l'auteur de travaux sur l'économie du développement. Et Myrdal, dans un essai publié en 1957, Mais déjà dans son American Dilemma, alors qu'il animait à Genève, il était le secrétaire général de la Commission des Nations Unies pour l'Europe, Myrdal a pris pour cible l'idée très répandue d'un mécanisme spontané de retour à l'équilibre qui est censé réduire les inégalités économiques ou sociales entre nations ou entre groupes. On postule trop souvent que les déséquilibres sont provisoires, qu'elles devraient provoquer un peu spontanément des réactions de sens contraire. C'est ce qu'on appelle le modèle homostatique ou homéostatique, l'idée d'un retour spontané à l'équilibre après perturbation. Et ce modèle de retour à l'équilibre a longtemps soutenu, par exemple, les projections démographiques de l'ONU, qui postulaient un retour à l'équilibre après les transitions démographiques plus ou moins brutales que connaissaient les pays. Mais surtout, ça a porté évidemment pas mal de modèles économiques des échanges internationaux. Myrdal est convaincu au contraire, et il existe d'ailleurs un texte d'Albert Hirschman très intéressant pour faire l'histoire de toutes ces théories du développement et comment se structure, se divise peu à peu ce milieu entre, disons, une version optimiste et une version pessimiste du développement. Donc Myrdal est convaincu qu'un mécanisme de causalité en chaîne, nourri par des feedbacks, par des effets en retour, peut entraîner un déséquilibre durable, peut aggraver les déséquilibres qui peuvent aller en s'accélérant parce que les effets en retour vont renforcer la déviation au lieu de la compenser. Et c'est ce qu'on appelle la théorie de la causalité circulaire et cumulative, circular and cumulative causation. Donc c'est de là que Massey dit tirer son inspiration, il se réfère régulièrement à Myrdal. Myrdal visait ainsi le creusement des inégalités entre le centre capitaliste et la périphérie sous-développée. C'était le langage de l'époque. Et il pensait, cela dit, il pensait tout de même qu'une action publique internationale et bien organisée pouvait rompre le cercle vicieux. Donc c'était ça l'idée de Myrdal. Après lui, évidemment, des auteurs beaucoup plus radicaux m'ont expliqué que on ne peut pas finalement briser ce cercle vicieux. Alors cette référence de Massey à Myrdal, elle est d'une grande portée, me semble-t-il, parce qu'elle éloigne Massey de façon irréversible de l'optimisme néoclassique qui tente à considérer que la croissance économique des uns est nécessairement bonne pour les autres. Il y a l'idée qu'il n'y a pas un gâteau de taille fixe et que tout le monde va être gagnant, ce que nient les auteurs qui, au contraire, ont parlé du développement, du sous-développement. Bon. Les théories néoclassiques de la migration, ainsi que leur extension sous l'étiquette un peu trompeuse, donc, comme je vous l'avais dit, de nouvelle économie des migrations internationales, eh bien, ces théories néoclassiques sont en quelque sorte des variantes de la théorie plus générale, assez optimiste, de la modernisation. Il y a l'idée que la modernisation est la trajectoire obligée de toutes les catégories sociales, de toutes les nations, simplement séparées par des écarts de temps. Et la migration comme mécanisme de rééquilibrage devient donc un aspect de la modernisation, que ce soit au niveau macro d'ailleurs ou au niveau micro. Mais évidemment, avec tout ce que l'on vient de dire, notamment à la lumière des travaux de Rosenthal, on s'aperçoit que c'est évidemment plus compliqué que cela et que la division, la fragmentation de toutes ces théories entre en quelque sorte à l'intérieur des familles et que ce sont les familles les plus ouvertes, les plus modernes qui décident de migrer. Donc la théorie de la modernisation peut se loger au sein même de la famille. On a observé dans les études d'exode rural depuis longtemps, et on l'a observé de manière absolument extraordinaire en Allemagne de l'Est, à quel point les femmes sont les premières à migrer. Il y a un mouvement de migration considérable de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest après la chute du mur, avec un dépeuplement tout à fait marqué de certaines zones, et notamment des taux de célibat très élevés pour les hommes, parce que les femmes sont parties. Les femmes sont allées migrer vers des régions plus intéressantes économiquement, et aussi les régions où elles sont en quelque sorte plus émancipées. Elles pourraient s'émanciper davantage qu'elles ne l'étaient dans le milieu de départ. Donc ça, c'est quelque chose d'assez constant. Les femmes sont les premières à se lancer dans l'exode rural. Et je rappelle qu'une des toutes premières études de Pierre Bourdieu sur célibat et conditions paysannes dans le Béarn porte là-dessus, hein, sur le fait que les femmes s'en vont et laissent sur place des hommes célibataires. Ensuite, ce sont les couples ayant un début d'instruction suffisamment jeune pour espérer mettre en œuvre le potentiel d'accroissement du capital humain qui vont migrer. Et donc, Victor Pichet, dans l'introduction à son anthologie des textes fondateurs de la théorie des migrations, dont je vous ai parlé la dernière fois, souligne très bien cette dimension. Alors, Massé n'est pas de ce bord, il n'adhère pas à la... Enfin, il adhère globalement à la théorie structurelle historique hein, du système monde, comme on dit encore théorie de la dépendance, qui ne cesse de creuser les écarts entre centre et périphérie. Et j'ai déjà eu l'occasion de commenter la variante extrême qu'en donne Saskia Sassen dans divers ouvrages. Alors, le mécanisme de la causalité cumulative, tel que l'expose Massé dans un chapitre de synthèse publié en 1999, c'est au fond un engrenage inexorable, c'est un emballement, la migration s'emballe, c'est une spirale. Et la causalité cumulative, explique-t-il, parce que chaque acte de migration modifie le contexte social dans lequel se prennent les décisions ultérieures d'émigrer, et ce, à travers toute une série de processus qui accroissent la probabilité de nouvelles migrations. Et Massé énumère pas moins de 8 processus cumulatifs attestés, selon lui, par des études empiriques et qui touchent les domaines suivants. Alors, 1, l'étendue des réseaux de relations. 2, la redistribution des revenus. Donc, je vais reprendre toute cette liste. 3, la répartition de la terre. 4, l'évolution des techniques agricoles. 5, la culturation ou la diffusion des valeurs et des systèmes de préférence. 6, la redistribution du capital humain. 7, la valeur sociale du travail. Et 8, les structures de production. Alors, vous voyez que c'est extrêmement large et que, évidemment, cette théorie-là, cumulative causation, embrasse toute une série de domaines. Et du coup, quand on voit cette énumération, on se dit la migration va tout bouleverser. Cela dit, Massé, et ça c'est son génie, et parvient à concrétiser tout cela par des exemples assez parlants. Et surtout, quand il énumère en détail les 8 domaines dans lesquels on observe un processus d'emballement, de causalité, en quelque sorte perpétuante, il est capable de citer 5, 6, 7, 8 études empiriques précises qui étayent tout ça. Donc ça résulte quand même d'un travail de revue de la question extrêmement précis, et donc il faut prendre ça au sérieux. Alors, premièrement, l'extension des réseaux. Bon, ça c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à comprendre. C'est l'idée qu'un réseau de parents et d'amis, une fois franchi un seuil critique, tend à se perpétuer en raison des économies d'échelle effectuées sur le coût d'obtention de l'information. Donc chaque nouveau migrant profite des informations de ses prédécesseurs sur les opportunités d'emploi et de logement, et il contribue à son tour, en migrant, il contribue à son tour à abaisser le coût de l'information pour les migrants suivants. Et la chaîne migratoire finit par emporter une part significative de la société locale. Et dans certaines communautés étudiées par Massé, c'est un quart, un tiers parfois de la population qui est partie. Moi, j'avais étudié les migrations des villages de l'arrière-pays, la Costa del Sol, qui allaient jusqu'en Suède, jusqu'en Suisse, etc. Et il y avait des pertes de population considérables, du genre 30-40% de certaines classes d'âge, dans une petite société d'agriculture vivrière de montagne qui ressemblait un peu à la Kabylie, si vous voulez, comme système agricole. Donc ça peut aller très loin, et ça c'était le résultat de 20 ans à peu près de migration qui avait commencé de façon un petit peu aléatoire par quelques débuts de chaîne. Deuxièmement, la redistribution des revenus. La migration modifie sur le lieu de départ la distribution relative des revenus. Et là, sur ce point, Massé reprend les développements d'Odette Stark, le promoteur de la nouvelle économie des migrations, ce chercheur israélien dont j'ai eu déjà l'occasion de vous parler, en découvrant finalement que telle ou telle famille voisine profite des remises de fonds envoyées par les proches qui ont migré, les non-migrants se sentent désavantagés, c'est la théorie du revenu relatif, et ce sentiment de privation relative est une incitation à émigrer à son tour. Donc voilà un des mécanismes de causalité cumulative. Troisièmement, la répartition de la terre. La migration modifie la distribution de la terre. Le mécanisme est le suivant. En fait, il y a deux possibilités. Les migrants réalisent leur rêve en achetant des terres au pays, mais c'est la première possibilité. Il y a peu de chances qu'ils viennent les cultiver, surtout s'ils gagnent davantage dans un travail salarié qu'en s'engageant dans une activité agricole qui reste aléatoire. Et donc, cet absentéisme des nouveaux propriétaires contribue à raréfier, à renchérir les terres au détriment des voisins restés sur place. Et du coup, ces voisins subissent une pression migratoire plus élevée, sont incités donc davantage à émigrer. Là, je vous résume, Massé synthétise des résultats de recherche. Moi, je vous synthétise Massé. Vous avez le droit de la synthèse de synthèse. Enfin, j'essaie de faire en sorte que ce soit quand même suffisamment clair. Et j'ai regardé certaines de ses études. Et Massé est quelqu'un qui est très honnête dans la façon dont il reproduit, rend compte des recherches des autres. Ce n'est pas toujours le cas. Les chercheurs s'entrelisent parfois très mal. Ils se mélisent souvent. Mais Massé a ce côté, un côté très du bon professeur capable de restituer honnêtement les recherches d'autrui. Quatrièmement, les techniques agricoles. Si, et ça c'est la deuxième branche de l'alternative, si les nouveaux propriétaires qui se sont enrichis par la migration, ont acheté des terres, parviennent à les cultiver, ou à les faire cultiver, ils auront tendance à pratiquer une agriculture plus mécanisée, avec usage d'engrais, de désherbants, de semences améliorées, etc., ce qui va réduire l'emploi de la main-d'œuvre locale et incitera donc cette dernière à quitter les lieux. Donc là, il y a un changement de modèle agricole, plus riche en capital, moins riche en main-d'œuvre, au détriment donc de la main-d'œuvre locale. Cinquièmement, toujours selon Massé, les migrants qui vivent au Nord s'accoutument aux biens de consommation des pays du Nord, ils modifient progressivement de façon irréversible leur système de valeurs et leurs préférences, c'est au fond ce qu'on appellera plus tard, bien après Massé, les remises sociales dont je vous ai parlé, les social remittances. Et la migration commence à devenir un fait culturel. Alors quand on dit culture, ça veut simplement dire que c'est du social qui dure. C'est quand même ça, en gros, la meilleure définition de la culture. C'est du social inscrit dans la durée, mais qui reste pas moins quelque chose de social et d'historique qui peut changer. Oui, je vous dis ça au passage, parce que les explications culturelles, notamment en démographie, il faut toujours s'en méfier. J'ai un exemple qui m'a toujours frappé, c'est que au Maghreb, dans les années 70, il y avait 7-8 enfants par femme, et quand on lit les auteurs de l'époque, c'est toujours intéressant de se reporter aux auteurs commentateurs de l'époque, y compris mes collègues démographes, c'était très facile, on expliquait ça par toute une série de variables culturelles. Le patriarcat, le fatalisme, l'islam, etc. Enfin, c'était des explications qui venaient tout naturellement pour expliquer pourquoi les familles se contentaient d'accepter les enfants que Dieu leur envoyait. Et le problème, c'est que dans les 3 décennies qui ont suivi, les taux de fécondité du Maghreb ont chuté de façon absolument phénoménale, sont passés de 7-8 enfants par femme à 2, quelque chose, une transition démographique d'une rapidité inouïe qu'on n'a jamais vue en Occident à cette vitesse-là. Et au moment même où les sociétés en question se sont fortement réislamisées, ont basculé d'un islam, disons, traditionnel, un peu agraire, je dirais, à un islam urbain et beaucoup plus radical. Bon. Donc, paradoxe, c'est à ce moment-là que la fécondité en islam baisse. Et toutes les explications culturelles absolument évidentes et naturelles qu'on avait données de la fécondité, de la surfécondité des Maghrébins dans les années 70 se sont écroulées. On pourrait citer comme ça plusieurs exemples, disons que les explications culturelles, donc il vaut mieux regarder des choses beaucoup plus concrètes, du genre, le temps d'éducation s'allonge, l'accès au mariage est coûteux, il y a la crise du logement qui fait que c'est difficile pour un jeune couple de s'établir, il y a un contrôle de la sexualité pendant toute l'adolescence jusqu'au mariage, etc. Et c'est donc par des explications un petit peu, je dirais, locales, grounded, fondées sur des observations très précises, des valeurs intermédiaires très précises, qu'on peut espérer expliquer les grands changements démographiques, plutôt que d'aller tout de suite se précipiter sur de grandes explications culturelles qui risquent d'être cruellement démenties par les faits plus tard. Alors, j'ai un petit peu versé moi-même dans ça, en vous expliquant, par exemple, que la polygamie ou la fécondité masculine en Afrique étaient des facteurs très importants à prendre en compte. Mais ça, c'est pour dire que ce sont des choses qui vont effectivement rester ancrées dans la durée, dont il est très difficile de se débarrasser, dont on attendait la disparition depuis des décennies. Enfin, je reconnais que voilà, l'explication culturelle, c'est souvent une espèce de résumé, d'explication précipitée, dont il faut se méfier. Simplement, la culture, ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée, qui s'institutionnalisent, dont il est plus difficile de se débarrasser que d'autres choses. Alors, la culture, oui, la migration, et c'est ce que Massé observe dans le cas du Mexique, elle commence à devenir une véritable culture. En ce sens, il y a une culture de la migration. En ce sens qu'elle devient une espèce de rite de passage pour les jeunes gens, elle devient une épreuve à franchir pour accéder pleinement au statut d'adulte. Alors ça, c'est une question assez controversée. Beaucoup d'auteurs ont dit à l'époque coloniale, certains jeunes chercheurs s'opposent beaucoup à cette idée que certains groupes ethniques, comme par exemple les Soninké au Sénégal, ont en quelque sorte une tradition de la migration comme rite de passage, que c'est ça qui explique que les Soninké migrent davantage que leurs voisins peuls ou d'autres ethnies. C'est compliqué parce qu'il y a des explications concurrentes. Les Soninké ont été utilisés très tôt comme ouvriers soutiers dans les ports français, et ce serait de cette façon-là que ce serait amorcé en réalité la migration des soutiers Soninké qui effectivement passent des mois et des mois à l'extérieur de chez eux sur les navires. Alors ce sont les anthropologues eux-mêmes maintenant qui s'opposent le plus vigoureusement à des explications trop facilement anthropologiques de la migration. Ça c'est un phénomène très intéressant à observer, de la même façon que le démographe s'oppose au démographisme. Moi je ne crois pas que le nombre des hommes explique tout, parce que justement je suis démographe. Donc il faut parfois être un démographe amateur pour s'imaginer que c'est la population qui explique tout. Autant que le 14, c'est vrai, plus un pays était peuplé, plus il était puissant. Ben, ça fait longtemps que ça n'est plus vrai. C'est pas aussi directement vrai. Donc il faut réfléchir à tout ça. Mais je ne voudrais pas m'égarer, je reprends mon fil. Donc là encore, sur ce point de la migration devenant une véritable culture, quelque chose qui est tellement dans le paysage social environnant qu'elle fait partie de l'ordre ordinaire des choses, elle se banalise, elle devient une étape obligée dans la vie, notamment dans la vie des jeunes, dans le moment évidemment crucial de la transition à l'âge adulte, comme disent les Anglais, du passage à l'âge adulte. Et là encore, toute une série de monographies sont citées par Massé à l'appui de ces dires. Alors, une sixième manifestation de cette causalité, c'est à mesure qu'elle se banalise, la migration se fait moins coûteuse et donc moins sélective. Au début, les pionniers de la migration sont les individus souvent les plus instruits. Enfin, alors, tout est relatif, ça peut être simplement ceux qui savent lire et écrire par rapport à une population qui, en général, est privée d'instruction. Les plus motivés, ceux qui peuvent investir dans leur capital humain, mais une fois partis, les éléments les mieux dotés, et Massé parle même d'un assèchement du capital humain local, les migrants qui entrent à leur tour dans la filière eh bien, sont moins qualifiés, moins instruits que leurs prédécesseurs. Et ce sera, on aura l'occasion d'en reparler, le cheval de bataille pendant des décennies de l'économiste américain Jorge Borjas, qui est donc un économiste d'origine cubaine, un des grands économistes des migrations aux États-Unis, qui va essayer à tout prix, avec un acharnement méthodologique tout à fait extraordinaire, essayer de démontrer que les nouvelles vagues de migrants mexicains sont beaucoup moins qualifiées que les vagues premières et que par conséquent, ils imposent une concurrence déloyale à l'ouvrier américain qui va pâtir de la migration mexicaine nouvelle manière. C'est une théorie extrêmement controversée. Il y a des batailles acharnées entre économistes à ce sujet-là, mais Massé, quand même, cite Borjas de façon relativement positive sur cette question-là. Les nouvelles vagues de migrants mexicains, justement parce que des régions de plus en plus reculées et à des taux de plus en plus intenses ont été touchées par la migration, finalement migrent aux États-Unis et, en termes d'emploi et de salaire, peuvent exercer des effets différents de ceux qu'exerçait la première génération plus instruite. Enfin, une dernière sphère, les immigrés, ayant tendance à se spécialiser dans certains emplois, à mesure que les filières se consolident, ces occupations, dit Massey, sont culturellement, voilà encore la culture, et c'est au sens un peu anglais du terme, sont culturellement perçues comme des occupations d'immigrés, comme des métiers réservés en quelque sorte. Et ces métiers, du coup, sont dévalués dans l'opinion commune, non pas pour des raisons inhérentes au travail effectué, mais simplement parce qu'ils sont tenus par des immigrés. Et ces emplois, par conséquent, étant des emplois d'immigrés, attirent de nouveaux immigrés. Alors vous voyez que l'ensemble de ces 7, 6, 7, 8 processus différents, c'est quand même assez hétéroclite. Et il y a toute une série de théories en quelque sorte locales qu'il faut vérifier un peu au coup par coup. Mais Massey, finalement, un petit peu comme Saskia Sassen à sa manière, il y a un peu un raisonnement par abduction méthodologique. Tous ces phénomènes-là, finalement, aboutissent toujours un petit peu à la même chose. Ça renforce la migration, ça la perpétue au lieu la restreindre. Et en même temps, curieusement, Massey dit, bon, bien sûr, mais enfin, tout ça ne peut pas durer éternellement. À un certain moment, il y a quand même une certaine saturation. On arrive à une certaine stagnation. Et là, la théorie est assez faible. On ne comprend pas très bien, au fond, quel est ce mécanisme de saturation, de stagnation qui fait que la causalité cumulative, à un certain moment, aurait finalement un rendement décroissant, en quelque sorte. C'est quand même ce que dit Massey sans vraiment l'expliquer. Et on n'est pas très bien armé pour étudier un peu ces phénomènes de saturation. Bon, on a des indices. Par exemple, on observe, je vous l'avais déjà dit, qu'au début, les migrations, les courants migratoires, vous pouvez prendre les Haïtiens, les Chinois, les Anglais, les Portugais, etc., pour une durée de 3-4 recensements, c'est des multiplications par 4, par 5, par 10. Les Chinois sont multipliés par 15 depuis le premier recensement où on les recense correctement. Mais ensuite, les courbes se mettent à stagner, comme s'il y avait... Alors, non pas une capacité d'accueil limitée, mais peut-être une certaine saturation des réseaux des diasporas elles-mêmes, des réseaux d'accueil des diasporas. C'est-à-dire que, là, on revient à la cause précédente, le capital social n'est pas non plus indéfini. Vous ne pouvez pas accueillir chez vous, dans votre chambre, de nouveaux migrants supplémentaires appelés par le village ou par la région. Et on a des indices de ces phénomènes-là quand on regarde la façon dont se répartissent les nouveaux pays d'émigration dans les pays plus traditionnels d'immigration. Et je vous l'avais déjà dit, je crois, on était très surpris de voir que les Ukrainiens se précipitaient au Portugal, qu'à partir de chaînes relativement faibles, finalement, c'était devenu une des grandes nations et qui avait immigré au Portugal. Ils sont également nombreux en Italie. On a comme ça des exemples de pays périphériques qui sont devenus de nouveaux pays d'émigration, et au lieu d'aller dans les pays centraux de l'Europe de l'Ouest, par exemple, qui en quelque sorte sont déjà un petit peu pris et occupés par les migrants eux-mêmes, non pas par la population d'accueil, mais par l'organisation en réseau des migrants, eh bien finalement trouvent davantage leur compte et plus facilement dans un nouveau pays d'immigration, lui-même périphérique, comme l'a été le Portugal dans les années 2000. Donc il y aurait comme ça des phénomènes de répartition des migrants qui pourraient être liés au fait que le centre, les pays de vieille immigration, serait saturé. Maintenant, vous avez des contre-exemples. L'Allemagne, vieux pays d'immigration depuis les années 60, a quand même réussi à absorber, tant bien que mal, à peu près 800 000 personnes au cours des 3 dernières années. Collège de France et France Culture vous présentent le démographe sociologue François Héran. Pourquoi migrer ? Alors, la semaine prochaine, je regarderez la façon dont Douglas Massé a essayé, dans une même enquête, de vérifier, de tester toutes ces théories. C'est-à-dire qu'il a essayé d'inclure dans son questionnaire toute une batterie de questions, de construire toute une batterie de variables qui, selon lui, serait de nature à permettre de tester la validité, donc de comparer la validité des différentes théories pour expliquer la migration. D'expliquer non seulement la première migration, le premier voyage aux États-Unis, puisque c'est de cela qu'il s'agit, mais l'éventuel retour et aussi le nouveau départ pour les États-Unis, puisqu'au fond, ce sont les trois variables dépendantes, comme on dit, les trois phénomènes à expliquer qu'il envisage dans son étude, qui va un peu conclure toute sa synthèse. Mais évidemment, nous allons le voir, tout dépend des indicateurs choisis. Il y a une sensibilité évidemment considérable. Donc si la théorie du capital humain a uniquement comme critère le fait d'avoir un conjoint déjà ou un frère et sœur ayant déjà migré, on ne peut pas dire que ça valide vraiment la théorie générale du capital social dont je vous ai expliqué un peu toutes les facettes. Donc évidemment, c'est très lié aussi à la dépendance vis-à-vis des sources, à ce que les sources permettent. Je voudrais revenir maintenant sur un point qu'on a abordé comme ça d'une façon un peu rapide. On a évoqué les migrations domestiques, comme disent les Anglais, ou internes, et les migrations internationales. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut parler de l'un et de l'autre de façon un petit peu indifférente? Quand vous lisez les théories économiques de la migration, pour elles, la différence entre migration interne et migration internationale, c'est une différence totalement secondaire. La théorie des migrations doit être capable d'expliquer les mouvements migratoires à l'intérieur des pays ou entre pays. Et si je regarde par exemple ce qu'écrivent les auteurs du grand manuel que je vous ai cité, Chiswick et compagnie, qui commence à paraître là en plusieurs tomes, ils expliquent, ils revendiquent « we contend that », nous prétendons que il n'y a qu'une seule théorie de la migration. Il n'y a qu'une seule théorie de la migration pour expliquer les migrations internes et les migrations franchissant des frontières nationales. Et pourquoi? Parce que leur théorie, la théorie néoclassique, avec ses nombreux prolongements, ses nombreux enrichissements, sa capacité extraordinaire à récupérer toutes les questions posées par les anthropologues, les sociologues, les psychologues, etc., eh bien, la théorie dit qu'au fond, le noyau, le ressort fondamental de la migration, c'est le fait que eh bien, vous avez intérêt à relocaliser votre capital humain sur un meilleur marché. Vous déplacez votre capital humain et si vous estimez, que ce soit de façon formelle ou informelle, si vous calculez de façon plus ou moins approximative que votre capital humain aura un meilleur rendement ailleurs, sur un autre marché, eh bien, vous y allez, en défalquant tous les coûts de déplacement, tous les coûts intermédiaires, les coûts d'opportunité, etc. Et donc, évidemment, une théorie qui est fondée sur ce principe, eh bien, ne dépend pas de la question de savoir si la migration est nationale ou internationale. Et l'idée que, de toute façon, vous avez toute série de barrières à l'entrée qui opposent le lieu de départ et le lieu de destination, les frontières nationales, c'est une barrière à l'entrée parmi d'autres. Ça, c'est assez différent de ce à quoi nous sommes habitués. Pour nous, la frontière nationale maintenant est devenue quelque chose de tellement absolu et sacré. Hein. Dans la Constitution, il y a quand même un article qui interdit de remettre en cause les frontières nationales. On n'a pas le droit de dire que, par exemple, la Corse ferait mieux de quitter le territoire français. C'est contraire à la Constitution de dire ça. Donc il y a une sacralisation des frontières. Mais observent ces économistes, en réalité, le degré de sévérité de telles barrières a beaucoup varié à travers le temps et l'espace. Finalement, les frontières internationales sont relativement récentes à l'échelle de l'histoire mondiale, alors que, inversement, des frontières internes, des frontières provinciales, des restrictions ont longtemps existé. On peut songer à la façon dont les serfs étaient immobilisés, n'est-ce pas, dans les fiefs pendant un long Moyen-Âge. On peut penser à la façon dont les pauvres étaient tenus de rester dans leur paroisse pendant des siècles en Angleterre, mais également dans le reste de l'Europe. On peut regarder la façon dont les régimes tsaristes d'abord, russes ensuite, ont fixé les populations, leur a interdit de se déplacer, sauf conduits de véritables passeports internes extrêmement sévères. Et puis on pense évidemment au cas chinois, où aujourd'hui encore, vous avez toute une migration clandestine interne. Hein, des populations entières, des banlieues entières sont peuplées de gens qui ont migré sans en avoir l'autorisation à l'intérieur du territoire chinois. Donc vous avez de très nombreux exemples de barrières internes de migration qui font que, dont le fameux passeport Huku, le système Huku chinois. Et les auteurs américains insistent sur le fait qu'il y a toute une série d'interdictions professionnelles entre les États des États-Unis. Il n'est pas si simple que ça de migrer et d'obtenir le droit d'avoir un permis d'exercer certaines professions quand on change d'État. Donc, voilà, l'idée que, certes, les barrières internationales et les frontières sont quelque chose d'important, mais enfin, elles n'ont pas toujours existé de la même façon. Pendant longtemps, par exemple, c'était le cas sous la France de Louis XIV, on empêchait les gens de sortir, mais pas d'entrer. On contrôlait les sorties, on ne contrôlait pas les entrées. Hein ? Louis XIV a dicté un moment un décret interdisant aux Français d'épouser des étrangers, des étrangères. Il était strictement interdit d'épouser des étrangères. À un moment, par exemple, il s'aperçoit qu'il y a des quantités de travailleurs, notamment des régions du Nord, qui travaillent dans les chantiers des provinces unies, les chantiers navals des provinces unies. Il y a un décret royal qui ordonne à tous les Français travaillant sur les chantiers des provinces unies de rentrer dans le pays dans les 15 jours. Ça n'a absolument pas été observé, hein, ça fait partie des nombreuses choses qui ont été... De la même façon, vous avez un décret de la Convention que j'aime bien citer, c'est le décret de la Convention qui dit qu'il faudra mettre un instituteur dans chaque village dans les 15 jours. Et c'était Barrère qui avait fait ça pour leur apprendre la langue française, puisque beaucoup de petits Français, évidemment, ne savaient pas la langue française à l'époque. Et donc, c'est dans les 15 jours qu'il faudra un instituteur dans chaque village. Il y a un décret de la Convention qui dit ça. Il faudra à peu près 60 ans, 80 ans pour que les 15 jours soient accomplis. Donc, la théorie économique, finalement, ne considère pas qu'il y a une différence radicale de nature entre la migration interne et la migration internationale. La frontière, c'est un obstacle parmi d'autres, c'est des barrières, il y a des quantités de barrières internes, il y a toutes sortes de coûts, ne serait-ce que la distance. Et donc, du coup, la question, c'est de savoir, mais au fond, comment se connecte la théorie des migrations internationales avec, par exemple, la théorie de la mobilité sociale, j'ai déjà fait allusion, et au fond, tous les changements sociaux. C'est un sujet qui a été notamment très bien étudié par Alan Simmons, S-I-2-M-O-N-S, dans un texte que Victor Pichet a fait figurer très utilement en tête, comme une espèce de chapitre introductif, en tête de son anthologie des textes de la théorie de la migration. Et Simmons explique que finalement, nous pensons effectivement que la migration est une sorte de placement, de réallocation de ces ressources. Mais au fond, on peut migrer de différentes façons. On peut migrer, en quelque sorte, migrer entre guillemets, en changeant de métier. On peut migrer en se mariant, d'une certaine manière. Voilà, faire opérer d'une série de conversions qui peuvent être des migrations sur place en changeant de champ. On peut changer de résidence, changer d'emploi, changer de relation sociale. Alors, certains auteurs ont dit, mais la vraie migration, c'est celle qui implique à la fois un changement de résidence, un changement d'emploi, et un changement de relation sociale, comme par exemple le fait de se marier. Bon, c'est très compliqué cette affaire, parce que, et ça va rejoindre quelque chose dont il faudra reparler. Je vous l'ai dit, une partie importante de la migration en France, c'est l'immigration de mariage. La migration matrimoniale, c'est plus important que le regroupement familial en France. C'est 50 000 personnes au lieu de 35 000 par an, chaque année, des gens qui, ayant épousé une Française ou un Français, eh bien, ont le droit de migrer et de rejoindre leur conjoint. Maintenant, quand on analyse tout ça en détail, c'est très compliqué. Est-ce qu'on se marie pour migrer ? Est-ce qu'on migre pour se marier ? Ces choses-là, souvent, se passent en même temps. Vous avez un très grand nombre de couples qui se forment, qui entrent sur le territoire, qui ont leurs enfants, et tout se passe un peu en même temps. Ils ont attendu d'entrer sur le territoire pour avoir leurs enfants, par exemple. Et ça, on l'a observé très souvent, depuis peu, hein, depuis le milieu des années 90 seulement, on a commencé à étudier ça, et en France, c'est Laurent Toulmont, chercheur à l'INED, qui était le premier à pointer ça. Quand on étudie la fécondité en regardant bien l'ensemble des naissances qui ont lieu avant la migration, pour les étrangères qui entrent en France, eh bien, elles sont en quelque sorte sous-fécondes avant d'entrer et sur-fécondes après par rapport à la fécondité nationale. Et au moment où elles entrent, les étrangères à âge égal ont moins d'enfants que les Françaises. Mais c'est un effet de sélection, c'est parce qu'elles ont attendu d'être sur le territoire pour avoir leurs enfants. Et du coup, il y a une surfécondité après l'entrée sur le territoire par rapport à la sous-fécondité d'avant, la surfécondité étant plus importante que la sous-fécondité. Bon. Alors, quand on étudie simplement la fécondité des étrangères sur le territoire français, puisqu'au fond, on enregistre la naissance uniquement sur le territoire français, on regarde par état civil, on attend de naissance, on les impute aux femmes étrangères, on sait parfaitement quelle est la nationalité des femmes, ça c'est une donnée extrêmement solide dans l'état civil, il n'y a pas de naissance clandestine en France. À quelques dizaines qui sont rattrapées par le juge d'instance, mais très très rapidement, c'est contrairement à la migration. Et donc, quand on mesure la fécondité des étrangères, on la surestime, parce qu'on n'a que les naissances survenues sur les territoires, et on ne tient pas compte de la sous-fécondité d'avant l'entrée sur le territoire. Pour avoir connaissance de l'ensemble de la fécondité avant et après la migration, eh bien, ce n'est pas l'état civil. Il faut mener une grande enquête, suffisamment représentative pour inclure les étrangers, et c'est la puissance de la fameuse enquête famille, l'enquête famille associée au recensement. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de regarder Chantal Madigné, qui est dans la salle, qui était responsable de la collecte du recensement, et qui a subi mon travail pour essayer de défendre l'enquête famille auprès du recensement, puisque l'enquête famille, c'est une enquête supplémentaire qui s'ajoutait au recensement. C'était un peu quelque chose qui risquait de gripper la machine si on n'y faisait pas attention. Mais donc, au moment du recensement, une partie des Français avait le bonheur d'apprendre qu'un questionnaire supplémentaire s'ajoutait aux questionnaires normaux du recensement. Et c'est la fameuse enquête famille qui ne fait que deux pages, hein, mais qui retrace tout l'ensemble des naissances, y compris les naissances, évidemment, survenues avant l'entrée sur le territoire. Et puis dans le questionnaire, on a la date d'entrée sur le territoire. Donc c'est l'analyse très rigoureuse de ce fichier qui a permis de savoir que la migration, donc le moment même de la migration, est un moment où tout s'agglomère. Souvent la formation du couple, souvent la naissance des premiers enfants et l'entrée sur le territoire. Il y a eu des tentatives de la part des statisticiens pour essayer d'utiliser des modèles statistiques qui permettraient en quelque sorte, en regardant l'ordre chronologique de ces opérations, quand est-ce qu'on se marie, quand est-ce qu'on entre le territoire, quand est-ce qu'on connaît ses enfants, pour essayer de voir si on se marie pour migrer ou si on migre pour se marier. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que les gens sont capables de faire quelque chose de tout à fait remarquable, ce qu'on appelle les anticipations. Ils sont capables de projeter quelque chose en anticipant qu'ils auront les enfants après le moment où ils les projettent, si j'ose dire. Et donc, du coup, la notion même de migration, la notion de projet migratoire, le projet migratoire, ce dont parlait Paul-André Rosenthal, c'est très souvent aussi un projet familial, c'est très souvent aussi un projet professionnel, et il est en réalité assez artificiel de dissocier l'ensemble. Une des grandes difficultés qu'on a aussi, pour parler un petit peu de la méthode, c'est le fait que, finalement, on a des biais un peu systématiques dans l'étude des migrations dont on n'arrivera jamais à se débarrasser. Douglas Massey, c'était sa grande force, c'était un des premiers à analyser les migrations au pays de départ. Alors que d'habitude, évidemment, ce qui est de loin le plus courant, c'est d'étudier les migrations au pays d'arrivée. Nous sommes là, pays d'immigration, nous sommes préoccupés par l'immigration, nous regardons dans nos recensements, dans nos fichiers, nous voyons les immigrés, etc. Et par définition, nous avons ceux qui sont arrivés, nous n'avons pas ceux qui ne sont pas là, nous n'avons pas les candidats potentiels à l'immigration qui ne sont jamais venus. Nous n'avons pas non plus ceux qui sont repartis. Donc on a un biais d'observation, c'est que nous n'avons qu'une partie très sélectionnée des migrants, ceux qui ont survécu au processus de sélection. Et la sélection, c'est une auto-sélection par des caractéristiques individuelles comme l'éducation, le capital humain, etc. Et puis aussi, qui ont survécu au processus de sélection organisé, institué, quand c'était les entreprises qui recrutaient ou quand c'était l'État qui sélectionnait par de véritables concours, comme c'est le cas au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc nous avons les lauréats, en quelque sorte, nous avons les survivants, et puis nous n'avons que ceux qui ne sont pas repartis. Détail au passage, en gros, les estimations auxquelles on aboutit quand même en Europe, c'est qu'à peu près un tiers des migrants repartent. Pendant longtemps, on avait sous-estimé cette émigration, mais c'est vrai aussi de la grande migration transatlantique. Les 12, 15 millions, les estimations varient, d'Européens qui ont migré vers le Nouveau Monde entre, en gros, 1875 et 1914, eh bien, un tiers à peu près sont revenus. Et ça, on l'a étudié depuis peu de temps, grâce notamment à l'enregistrement sur les navires de retour, puisque là, on a des enregistrements, des sources écrites tout à fait précises. Donc, vous étudiez un phénomène, mais qui est reparti? Là aussi, vous avez un effet de sélection. Est-ce que sont repartis les gens qui ont échoué ou les gens qui ont réussi? C'est pas évident. On a des cas où repartent les personnes qui estime que l'intégration marche trop bien. Et c'est ce qu'on trouvait dans le livre extraordinaire de Roger Stablet sur les migrants turcs qui étaient revenus en Turquie, qu'il avait interrogé avec ses collègues turcs en Turquie. Et une partie des migrants disait « Mais écoutez, mes enfants étaient en train de devenir français et moi je voulais qu'ils restent turcs. » Et donc nous sommes rentrés en Turquie parce que l'intégration marchait trop vite. Et après, c'est la catastrophe pour les enfants, parce que profondément, doublement déraciné en quelque sorte, et malheureux. Mais il y avait aussi une partie, je dis bien une partie, évidemment, une petite partie, on ne sait pas trop, mais une partie de retour sont aussi de retour dû au fait que, d'une certaine manière, l'intégration de la famille marche trop bien, et c'est contraire au projet initial, le projet initial n'étant pas de s'implanter définitivement dans le pays, mais de revenir au pays fortune faite ou affaire faite, enfant ou pas enfant. Donc, là encore, vous avez des biais de sélection considérables. Ce sont des biais de sélection qui vont être évoqués par Myriam Klatt dans le séminaire de la semaine prochaine, où elle va montrer comment toute une série de phénomènes de sélection affectent les migrants et en même temps la santé des migrants. En gros, quand vous êtes en mauvaise santé, vous migrez moins. C'est plutôt les gens en bonne santé qui migrent, donc ils sont en meilleure santé quand ils arrivent, mais ils arrivent dans des conditions dégradées, et donc un grand nombre de maladies qu'ils peuvent contracter sont liées aux mauvaises conditions d'existence dans les premières années. Ensuite, au fil des ans, leur santé peut s'améliorer, mais en fin de vie, ceux qui sont en très mauvaise santé préfèrent mourir au pays d'origine, repartent mourir chez eux. Ça fait encore un effet de sélection, et donc on a une sous-mortalité des migrants liée à ça. Donc vous voyez tous les effets compliqués. Mais ceci ne vaut pas seulement pour la santé, ceci vaut aussi pour la migration. Alors Rosenthal a beaucoup étudié ce problème du biais d'observation. Il remarque que, par exemple, l'exode rural a presque toujours été étudié du point de vue des villes d'arrivée, parce que c'est là que sont concentrées les archives. L'exode rural, c'est une concentration dans des villes. Il est beaucoup plus facile d'étudier l'exode rural au point d'arrivée dans des archives départementales où les choses sont très concentrées et faciles à étudier, que d'étudier la migration dans toute la dispersion des lieux de départ. Et ça, ça crée déjà un biais dans l'étude des migrations. Voilà, donc en réalité, quand on regarde bien les choses, qu'on observe l'immigration au lieu de départ, au lieu d'arrivée, on a de toute façon des biais. On peut, si vous êtes dans le pays de destination et que vous interrogez les gens sur pour quelles raisons êtes-vous venu ici ? Quelles sont les raisons qu'ils ont poussé à migrer voilà. Ben, le problème, c'est que vous n'interrogez pas les gens qui avaient des raisons de ne pas migrer. Vous étudiez finalement les facteurs qui poussent à migrer plutôt qu'à ne pas migrer. Et vous ne pouvez pas comparer leur situation avec les non-migrants puisqu'ils ne sont pas là. Mais c'est un biais absolument général en sciences sociales. Vous étudiez une association, si vous avez accès au fichier des adhérents, vous êtes content, vous dites ben, « je vais étudier les adhérents, je vais raconter tout ce qui se passe chez les adhérents, je vais les interroger, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les non-adhérents et les adhérents. C'est la probabilité d'entrer dans une association. C'est les probabilités d'accès. Et étudier les probabilités d'accès, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement étudier une association de l'intérieur, il faut étudier les non-adhérents. Ou en tout cas, il faut rapporter les caractéristiques des adhérents aux caractéristiques des non-adhérents. Voilà. Si vous étudiez le choix du conjoint, par exemple, en vous limitant aux personnes qui vivent actuellement au couple, ce que j'ai fait, je suis coupable d'avoir fait ça avec mon collègue Michel Bozon dans le passé, ben, c'est formidable, vous apprenez beaucoup de choses sur le processus de la rencontre, de l'appariement, vous demandez aux gens comment ils sont rencontrés, oh, tout à fait par hasard, bon. Mais vous manquez la partie de la population qui n'a pas réussi à vivre en couple, ou qui a renoncé à le faire et qui était pourtant en compétition sur le marché matrimonial, si j'ose dire. Et donc, pour être complète, une étude sur le mariage, sur l'accès à la cohabitation durable, devrait inclure les célibataires. Et même chose pour l'étude du monde associatif, même chose pour tous les phénomènes qui consistent à avoir accès à quelque chose de relativement rare ou convoité, ou en tout cas qui ne va pas de soi pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ces problèmes de méthode. Toute recherche qui étudie un processus sélectif de mobilité, un processus d'accès sélectif à un statut ou à un bien, dont la migration internationale n'est qu'un exemple, souffre forcément de tels biais qu'on se place au départ du processus ou qu'on se place au terme du processus, donc qu'on inclut les candidats potentiels ou les non-candidats ou qu'on se limite aux lauréats. Ça, c'est toujours le même problème. Et donc, nous voyons chez nous les immigrés qui sont une minorité très sélectionnée, mais ça n'est pas l'ensemble de la migration. Il me reste maintenant quelques minutes pour évoquer rapidement une question d'actualité. Je vous ai promis que je le ferai de temps en temps et je vais le faire avec ce schéma. C'est un schéma dont je vous ai déjà donné d'autres formes, il n'est pas nouveau, mais je pense qu'il est toujours important de se le mettre en tête. C'est le nombre annuel moyen de décisions positives en faveur du demandeur d'asile. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'invoque ? C'est parce que nous sommes en moment dans une étape assez curieuse. L'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, n'a plus de direction. Son directeur, Pascal Brice, n'a pas été renouvelé, contrairement à ses vœux, et donc on attend la nomination du prochain directeur de l'OFPRA. Et d'après tout ce que je lis dans la presse, on reproche au directeur de l'OFPRA un certain nombre de choses, semble-t-il, et en particulier d'avoir finalement créé des appels d'air en faveur de la demande d'asile. Et on lui reproche aussi un contraste entre les chiffres allemands et les chiffres français, puisque la demande d'asile en Allemagne a beaucoup baissé depuis 2 ans, alors qu'en France, elle continue d'augmenter. Je n'ai pas la courbe ici des deux, je l'ai dessinée, j'aurais dû vous la porter. Enfin, c'est un peu comme si on disait, c'est terrible, nous sommes obligés de gravir les pentes du Morvan, tandis que l'Allemagne, elle, est en train de descendre à mi-chemin du Mont-Blanc. C'est à peu près ça, la situation. Je rappelle que l'Allemagne a reçu 5 fois plus de demandes que la France, a donné des décisions positives à 10 fois plus que nous, proportionnellement à la population. Donc, si nous avons un peu plus de demandes d'asile chaque année, c'est en partie parce que nous recevons les demandes non acceptées par les Allemands. Et si on s'était concerté à l'avance, si on avait un petit peu réparti mieux la tâche d'accueil de la demande d'asile entre les deux pays, on n'en serait pas, 3 ans après, à accueillir les déboutés du droit d'asile allemand. C'est un peu ça la situation où nous sommes. Donc la comparaison avec l'Allemagne est totalement boiteuse. L'Allemagne, même si le nombre des demandeurs d'asile baisse en ce moment fortement, en 2018 par rapport à 2017, c'est à des hauteurs très très supérieures à celles qui se passent chez nous. Et je rappelle ici également donc ce bilan que je vous ai déjà présenté un peu sous une autre forme. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, combien de migrants par million d'habitants ? Combien de demandeurs d'asile par million d'habitants avons-nous accepté d'accueillir, c'est-à-dire en leur octroyant un statut soit de réfugiés au titre de la Convention de Genève, soit de bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Protection subsidiaire, c'est une protection qui est moins durable que la protection de Genève, qui en principe est à vie. Et je rassemble les décisions en première instance et décisions en deuxième instance, parce que ce ne sont pas physiquement les mêmes personnes année après année. Et donc, je vous donne ici le nombre moyen par année. Ce sont des données que je vous ai déjà présentées, un peu sous une autre forme. La Suède a accueilli en 2015, 2016, 2017, c'est une moyenne des 3 années, a rendu une décision positive d'accueil à 4 600, en gros, demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. L'Allemagne est à 3 700, l'Autriche à 3 000, etc. Les deux barres roses, c'est Malte et Chypre, qui sont les petites îles d'État qui sont exposées en première ligne, qui sont obligées par le règlement de Dublin de respecter mieux que d'autres pays ses obligations en matière d'asile, et donc les traite sérieusement. Et puis il y a toute série de pays, Norvège, Luxembourg, Danemark, etc. La moyenne européenne est en noir. Sur les 3 années en moyenne, donc chaque année 1000 demandeurs d'asile ont reçu une protection de la part d'un pays de l'Union européenne. Et la France correspond à la flèche. Donc, nous, c'est aux alentours de 500, 510, disons, par rapport à 1000. Donc, nous sommes à la moitié de la moyenne européenne. Et ensuite, j'ai représenté en beige tous les pays anciennement communistes, les pays de l'Est, qui, eux, n'accueillent quasiment personne. C'est un chiffre qui tient compte, finalement, d'une capacité d'accueil liée à la population du pays. Il y a une autre façon de corriger, c'est de dire, bon, d'accord, mais les pays les plus riches, c'est normal qu'ils reçoivent plus de monde. Hein. Vous voyez, ce sont des données que je vous ai déjà présentées. Mais j'insiste là-dessus parce que je pense que ces données sont fondamentales pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec l'OFPRA. Nous n'avons pas été envahis par un flot de demandeurs d'asile qui serait impossible à gérer. Et même si l'on tient compte de la correction des écarts de PIB, même si on tient compte du fait que la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège sont des pays riches et que, vu leur richesse, ils n'ont pas accueilli tant de monde que ça, malgré tout, eh bien, ça reste quand même, ce sont les barres oranges, ça reste quand même à des niveaux très très élevés. Les 4600 personnes accueillies par les Suédois en moyenne redescendent à 3000. Les 3017 personnes accueillies en Autriche redescendent à 2000 et quelques. Mais la France ne bouge pas et elle reste à peu près au même rang, au 13e rang plutôt qu'au 17e rang. Pourquoi ? Parce que notre PIB est par tête. À peine supérieur au PIB de la moyenne européenne. Et donc, vu que nous avons un petit surcroît de richesse par rapport au reste de l'Europe, nous faisons encore moins bien sans tenir compte de cette correction. Voilà un petit peu le tableau européen. Alors, il se trouve que l'Italie est proche de nous. Nous sommes à peu près au même niveau. L'Italie, c'est deux forces de sens contraire. Il y a le règlement de Dublin, et comme ils sont en première ligne, une partie des demandes d'asile ont été traitées en fonction de cette obligation, mais en même temps, c'est aussi un pays qui a longtemps été un pays d'émigration et qui donc n'est pas équipé juridiquement au même degré que la France, qui, elle, a des instances de traitement de la migration depuis très très longtemps, depuis le 19e siècle. Voilà un peu le tableau, et je pense que c'est en considérant ce genre de données qu'on devrait un petit peu réfléchir à la façon dont on évalue le travail accompli par l'OFPRA ces dernières années. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le cours de François Héran, Pourquoi migrer ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de François Héran son interrogation sur les ressorts des migrations. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.